sale pute. Mais t'as cru quoi toi, que t'allais t'offrir comme ça? Marie-Jeanne, voyons, joue pas à ça. Avec moi, sale pute, j't'aime comme j'te hais. Ça fait des années que mes poumons, tu les connais. Et rien que pour ça, j'en ai marre de te niquer. Tu es la flamme qui fait partie de moi, intégralement de toi. Je suis dépendant à cause de ta saveur, de ton goût accroché. Je suis aujourd'hui, je la bouffe, il te fout, j'allume mon perso. Je te fais même faire des tournantes avec mes poteaux. Marie-Jeanne, pourquoi tu te barres pas? La volonté, je l'ai, mais les soucis sont face à moi. Toi, t'es là, même si tu me fais oublier, j't'aime. Bordel, comme je te hais, tu m'as fait perdre celle que j'aime. Tu m'as fait claquer trop, mais vraiment trop de thunes, t'as t'es tellement bonne quand je te fume que tout le monde paye et te consume. Notre histoire est bientôt terminée. Je te hais plus que je t'aime, y'a plus rien à négocier. Pute, mais t'as cru quoi toi, que t'allais t'offrir comme ça? Marie-Jeanne, voyons, joue pas à ça. Avec moi, sale pute, j't'aime comme je te hais. Ça fait des années que mes poumons, tu les connais. Et rien que pour ça, j'en ai marre de te niquer. Le jour arrivera où je vais décrocher. Toi et moi, on ne pourra plus s'approcher. Marie-Jeanne, t'es une gaze, t'as réussi à me la faire à l'envers, à la faire à d'autres mères. Tu sais que détruire, c'est plus possible, même bien rouler. Je t'arrêterai, peu n'importe la qualité que tu peux apporter. Ouais, je t'aime comme je te hais. Tu touches même les minots, la justice pompe sur toi. Marie-Jeanne, t'as pas honte? En tout cas, sache que nous deux, bientôt, challah, c'est la rupture. Marie-Jeanne, sale pute. Même si je sais que ça sera très sale pute. Mais t'as cru quoi toi, que t'allais t'offrir comme ça? Marie-Jeanne, voyons, joue pas à ça. Avec moi, sale pute, j't'aime comme j'te hais. Ça fait des années que mes poumons, tu les connais. Et rien que pour ça, j'en ai marre de te niquer. Sale pute, mais t'as cru quoi toi, que t'allais t'offrir comme ça? Marie-Jeanne, voyons, joue pas à ça. Avec moi, sale pute, j't'aime comme j'te hais. Ça fait des années que mes poumons, tu les connais. Et rien que pour ça, j'en ai marre.